Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas. María, María, María, dime si tú veux faire dans le noir. María, María, María, dime si tú veux faire dans le noir. María, María, María, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, Jeje, Maria. Maria, Maria, Maria, Jeje, Maria. Tu cuerpo, Maria, Jeje. Me muero, Maria, Jeje, Jeje. Tu cuerpo, Maria, Jeje. La chanson de l'année que vous avez élue sur TF1 il y a quelques semaines, il est là ce matin sur Espace pour vous. C'était Kenji Girac avec Maria Maria en Normandie et en Picardie. Ça y est, 5h57, le pré-morning, c'est terminé. Alors je vous laisse maintenant avec un tube souvenir, c'est le Madison. Quelques instants, à 6h, Cédric et son Morning Light jusqu'à 9h. Et quant à moi, je vous retrouve, attention, 9h-11h comme d'hab sur Espace Normandie Ouest, 14h-17h en remplacement de Max, et puis 19h-21h en remplacement de Morgan. Ah, ça fait encore une grosse journée, mais je serai là. Passez une bonne journée d'ailleurs. Bon courage si vous bossez et bon courage au troisième qui révise le brevet. Plein de bisous et à tout à l'heure 9h ou 14h. Ciao les amis. Direct dans ce jour, 26 juin, 6h, réveil info. Bonjour. L'essentiel de l'actualité. Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Direction le Mondial, Uruguay, Portugal et Espagne, Russie. Voici les deux premières affiches des huitièmes de finale donc du Mondial de football. Hier soir, l'Espagne et le Portugal se sont fait peur, signant tous deux un match nul respectivement contre le Maroc, le score 2-2 et face à l'Iran, 1-2. Rendez-vous à 16h pour France-Danemark. Clairement, cette équipe de France inquiète plus qu'elle ne rassure. Et les deux victoires consécutives pour démarrer la Coupe du Monde face à l'Australie et le Pérou n'ont pas relevé la cote des hommes de Didier Deschamps. Bien au contraire, 64% des sondés n'ont pas été convaincus par la prestation des Bleus face à la nation sud-américaine, malgré une prestation bien plus aboutie que face à l'Australie. Et un homme cristallise notamment toutes les critiques, Antoine Griezmann, le chouchou des Français qui est très en vue à l'Euro 2016, peine à rentrer dans ce mondial. 46 personnes des personnes interrogées trouvent ainsi que l'attaquant tricolore n'est pas au niveau. À l'inverse, plus de 6 Français sur 10 sont satisfaits d'Hugo Lloris, de Kylian Mbappé ou encore d'Olivier Giroud. Comme lors de l'arrivée de l'Aquarius, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, affirme que la Corse est disposée à porter secours au navire Lifeline qui est bloqué dans les eaux internationales en Méditerranée. Les gardes à vue des 10 personnes gardées à vue soupçonnées de projeter des actions violentes contre des musulmans en France ont été prolongées pour une durée pouvant aller jusqu'à 48 heures. Le parquet ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics après le dépôt d'une plainte des élus locaux de droite envers Gérard Collomb. Simone Veil entrera au Panthéon dimanche 1er juillet, accompagnée par son mari Antoine Veil. La cérémonie qui aura lieu en présence d'Emmanuel Macron, le cortège partira du mémorial de la Shoah. Les loups sont de plus en plus nombreux en France. Selon les professionnels de la nature, ils sont 430 à la sortie de cet hiver. C'est 20% de plus par rapport à l'année dernière. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Vous vous demandez, mais comment font-ils pour être au taquet même en fin de saison? Bah, un jus d'orange, un café et surtout vous. Morning Light sur Espace. Eh oui, vous êtes le moteur et vous nous avez fait plaisir. La semaine dernière, entre autres, la communauté de communes du Vexin normand, nous y étions mardi dernier en direct de la Ludomédiathèque à Étrépagny. Vous étiez nombreuses et nombreux et ça fait, mais alors carrément grave du bien de vous voir comme ça avec des sourires et tout. Continuez! Sinon, ce matin, coup de fil, justement, on va parler de la communauté de communes du Vexin normand. Bah oui, j'ai un peu préparé les choses. 6h25, 8h25, Festival du Conte Géraldine Lefebvre, qui était avec nous la semaine dernière d'ailleurs, qui va tout nous dire sur cette manifestation culturelle. Vous retrouverez à 7h40 le pile face de l'info, à 7h50 et 8h40 la route, à 8h08 la pensée positive, à 8h20 la lecture originale de Johanna et à 7h55, vous gagnez toute la semaine votre bouquin de Tony Vart, qui est un auteur de science-fiction normand, il est même de Saint-Pierre du Vauvray pour être précis. Manny Lapouche et Bob Sinclair pour dire bonjour. You're turning me on. It's your body romance. You're turning me on. The way you dance. You're turning me on. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. Ah, so mommy, I'm a. So mommy, I'm a baby jack on you. Girl, I'm a wifey, the man them juicy. DJ be dropping me and them juicy. Big up a lot to me fans them juicy. Me love them, me like them juicy. Girl, I'm a wifey, the man them juicy. DJ be dropping me and them juicy. Big up a lot to me fans them juicy. Me love them, turning me on. But the way you dance, you turning me on. Your body romance, you're turning me on. The way you dance, you're turning me on. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. I'm a girl that's a pretty good. Ah, so mommy, I'm a baby. So mommy, I'm a baby jack on you. I'm a baby, yeah, I'm a baby. Sorry, why, sorry, why, sorry, why. All of my ladies in the green, let me hear you say. Sorry, why, sorry, why, sorry, why. You with the people. turning me on. The way you dance, you're turning me on. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. I'ma get it up with the gold. Morning Light sur Espace. Réalise 6h09, c'est mardi, la fête des sports extrêmes, ce sera ce dimanche 1er juillet. Sils Fire X, ce sera après la pub. Écoute ça, écoute ça, c'est frais, c'est frais. Écoute. Samedi 14 juillet, l'heure est à la fête pour tous les amateurs de la petite reine. Le Tour de France est de passage dans le département pour une 8e étape pleine de promesses. Venez encourager les coureurs et fêter l'heureuse traversée de 10h à 14h entre Buhaye, Passy-sur-Eure, Vernon, Les Andelys et Bézu-la-Forêt. Des moments uniques à partager en famille ou entre amis. Profitez de nombreuses animations à Vernon et Les Andelys avec restauration sur place. Samedi 14 juillet, l'heure est à la grande boucle. Info sur euroenligne.fr. Besoin de recharger vos batteries ? Seul, en couple, en famille, avec des associés ou en équipe, venez vous ressourcer au domaine des Prix du Home en Normandie.

territoire, ainsi que tout citoyen ou organisme volontaire. Par arrêté interministériel paru au Journal officiel, la commune de Courcelles-sur-Seine vient d'être reconnue en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations du 29 janvier au 31 janvier dernier, consécutives à la crue de la Seine. Les sinistrés ont jusqu'au lundi 2 juillet pour faire déposer une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance afin de bénéficier du régime d'indemnisation prévu par la loi. Suite de l'information dans moins d'un quart d'heure dans l'édition complète de l'actualité régionale, suivie d'un point sur les prévisions météo. Espace. All the stars are blue. Maybe the night that my dreams might peu, j'ai connu la dèche. Chez nous, le client est que j'ai si on te connaît pas, mais le tarot est rush. Ça galère, j'monte dans mon bolide, j'balance du son à fond, j'roule dans la ville entière. Les types peuvent allumer les gravons, les anciens, la chaîne est alimentaire. Passe pas dans la tête, tu te retrouves à terre. Je ferme pas ma gueule, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai posé les bourreaux dans le refou, j'm'en bats les yokou. Je suis une boulangère. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, j'me dis demain j'arrête. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Pour leur modèle, devant la maille, devant les femmes, trop de principes, on reste modeste. Les types ont cramé nos disques, les bitches ont capté nos vices. Je fais des avances à sa maîtresse, mon fils joue à la play dans la pluie d'aide. Fais bien les choses, la vie c'est traite. Le fils du voisin joue à la dinette. J'ai pas l'argent par la fenêtre, tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros, j'ai dit bah moi l'agent. Niska sur Espace en Normandie et en Picardie si vous êtes en ce moment du côté de Rouen. Et puis on va à Pont-Audemer ce samedi avec le groupe de parole de la SOS Geniti Cancer à la salle d'armes. 06 49 28 30 50 pour en savoir plus. Horoscope et coup de fil. Voyez la journée d'un bon œil avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys. Bonjour, nous sommes le mardi 26 juin. Bélier, vous traversez une phase bénéfique que vous pouvez transformer en réussite sans précédent. N'hésitez pas à entreprendre. Taureau, de très bonnes nouvelles vous arrivent et cela vous donne l'occasion rêvée pour réaliser enfin un désir que vous nourrissez depuis quelques jours. Gémeaux, gardez confiance en vous. Les affaires d'argent pourraient bien vous sourire aujourd'hui. Cancer, manifestez de la discrétion si vous voulez montrer ce que vous valez vraiment. Vous allez essayer d'œuvrer dans le sens de la réussite. Lion, vous pourriez avoir le soutien inconditionnel de quelqu'un qui vous estime beaucoup. Mais pour ça, il faudra fournir un minimum d'efforts. Vierge, vous avez su supporter une période difficile grâce à votre bonne humeur. Vous méritez bien la récompense que vous donne la vie. Balance, une position intransigeante vous enlèverait la chance de convaincre. Modérez vos passions afin d'y arriver. Scorpion, prenez le temps de lui parler afin de mettre les choses au clair. Une telle occasion ne se représentera pas de sitôt. Profitez-en. Sagittaire, votre intuition vous aidera à vous décider pour une transaction qui n'est pas des plus simples à effectuer. Capricorne, vous aurez le temps la semaine prochaine de vous occuper de nombreux problèmes familiaux qui commencent à vous taper sur les nerfs. Verseau, vous saurez la conduite à tenir et vous vous féliciterez d'avoir pris la bonne décision. Une telle affaire serait de trop pour vous en ce moment. Vous garderez toute votre lucidité. Poisson, vous devriez prendre du recul et changer de point de vue en ce qui concerne votre situation, car la chance frappe à votre porte. Bonne journée et rendez-vous demain à la même heure pour votre horoscope. C'était votre horoscope avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys, 02 32 51 38 69. Morning Light sur Espace. Cédric vous file le contrôle de la radio. C'est l'événement du jour. Et dès ce vendredi 29 juin, rendez-vous dans la communauté de communes du Vexin Normand pour le Festival du Conte, organisé entre autres par la Ludo Médiathèque des Trépaniers. J'en appelle la directrice. C'est Géraldine Lefebvre. Allô ? Bonjour Géraldine, Cédric Espace Normandie Picardie, tu vas bien ? Oui, bonjour Cédric, ça va très bien, merci. Géraldine, à partir de ce 29 juin, rendez-vous pour le Festival du Conte. En 1 minute 30, est-ce que tu peux nous parler un peu des manifestations organisées à cette occasion ? Alors, bien sûr, ce festival va mettre à l'honneur les bibliothèques comme des lieux de vie, de la vie culturelle du territoire. On commencera donc le 29 juin à 20h30 par une soirée pyjama à la Ludomédiathèque communautaire à Étrépagny. Donc ce sera un concert d'histoire avec Steve Taureau à la guitare et Guillaume Alix au conte. Donc ils nous feront partager leur univers musical pour les enfants à partir de 6 ans. Et à cette occasion, les parents sont invités à venir profiter de l'ouverture de la Ludomédiathèque jusqu'à 22h30. On continuera le festival le 3 juillet avec la bibliothèque de Château-sur-Epte. Toute la journée, donc, elle accueille Nathalie Guichard de l'animation Lecture Plaisir, une association, pour des lectures pour tous les âges tout au long de la journée. Voilà, le tout avec de nombreuses histoires. Toute la communauté de communes est donc mobilisée pour ce festival du Conte à partir du 29 juin. Les infos sur Internet. Merci Géraldine. Merci beaucoup Cédric, à très vite. La plus normande des radios. En mode souvenir. Écoutez. Espace. Listen baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want. L'actu en Normandie. Bonjour à tous. En septembre dernier, le président de la République a annoncé un projet de consultation afin de permettre à chaque citoyen d'évoquer sa vision de l'Europe. Le 17 avril dernier, Emmanuel Macron a officiellement lancé cette initiative qui se déroule jusqu'en octobre prochain dans 26 pays membres de l'Union. Thierry Coudert, préfet de l'Eure, accueille donc ce mardi à 17h30 à la préfecture Patrick Dupras, secrétaire général adjoint des consultations citoyennes sur l'Europe, pour une présentation de ces consultations aux élus qui seront donc invités à organiser des événements pour recueillir avis et propositions sur leur territoire, ainsi que tout citoyen ou organisme volontaire. Par arrêté interministériel paru au Journal officiel, la commune de Courcelles-sur-Seine vient d'être reconnue en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations du 29 janvier au 31 janvier dernier, consécutives à la crue de la Seine. Les sinistrés ont jusqu'au lundi 2 juillet pour faire déposer une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance afin de bénéficier du régime d'indemnisation prévu par la loi. Seuls les biens endommagés et couverts par un contrat d'assurance dommage pourront être indemnisés au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles. À l'heure de voter le budget en avril dernier, Richard Jacquet, maire de Pont-de-l'Arche, avait fait remarquer à ses collègues du conseil municipal que 2018 était la première fois où l'exercice s'était avéré aussi difficile depuis qu'il est devenu maire. La semaine dernière, il a donc proposé une délibération pour diminuer de 10% les indemnités des élus. La mesure n'a suscité aucun commentaire. Richard Jacquet a replacé la délibération dans son contexte d'économie à réaliser sur le budget de fonctionnement de la ville. La commune a en effet perdu cette année 27 000 euros de dotation globale de fonctionnement provenant des caisses de l'État. On poursuit cette édition au chapitre écologie et innovation avec le reportage d'Alexandre Lénaud. Utiliser l'eau de pluie plutôt que l'eau potable du réseau public, c'est l'idée de l'entreprise SVO à Saint-Étienne-du-Rouvray qui propose aux entreprises, commerçants ou encore agriculteurs de valoriser l'eau pluviale via des systèmes de recyclage. Écologiquement responsables, ces systèmes encore peu connus du grand nombre s'appliquent à beaucoup de domaines selon Thomas Padlou, gérant et fondateur de l'entreprise. On a des solutions pour l'abreuvement par exemple dans le domaine de l'élevage, mais aussi pour tout ce qui est arrosage, tout ce qui est nettoyage, que ce soit dans le domaine public ou industriel. On peut positionner l'eau de pluie sur le refroidissement, par exemple, la protection incendie, et puis également en bâtiment collectif ou du bâtiment tertiaire, on peut alimenter les chasses d'eau des sanitaires avec de l'eau de pluie. Il faut continuer, je dirais, de communiquer sur les intérêts de ces systèmes qui sont assez nouveaux parce que, effectivement, les factures d'eau sont peu lisibles. L'installation se fait sur mesure du traitement de l'eau au stockage sans produits chimiques avec des conséquences directes sur la facture d'eau. On a des économies immédiates avec des temps de retour sur investissement entre 5 et 10 ans pour une installation agricole. On peut parler d'une fourchette entre 30 et 50 000 euros. SVO a été récompensé en 2017 par un trophée de l'artisanat pour ses stations de recyclage d'eau pluviale. Écologie toujours, pour sensibiliser de manière ludique et positive sur le mauvais état de la voirie à Rouen, une Rouennaise a lancé l'opération Un trou, une fleur. L'idée, arpenter les rues pour reboucher les nids de poules avec des fleurs. Dimanche, une dizaine de membres du collectif L'Éveil et Citoyens et plusieurs habitants ont donc planté sur les trottoirs et chaussées des bégonias rouges et blancs. Rive gauche, rue du Mail, rive droite, rue Jeanne d'Arc, rue de la République ou encore place Saint-Marc et Vieux Marché. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour ce mardi, Météo France prévoit une nouvelle vraie journée d'été avec soleil et zéro nuage tout au long de la journée. Le mercure en légère hausse indiquera en matinée 21 degrés à Évreux, Le Neubourg, Bernay, Rugles, 22 degrés à Rouen, Pont-Audemer, Cormeilles, Vernon et Gisors. Bonne journée à tous, à l'écoute des sons et des tubes sur Espace. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Sean Paul, match en laser, montez le son chez vous, sortez du lit et écoutez ça. With a body like that, when you Snapchat me girl, send me off your screenshot, so me call her scotch bonnet, so the girl hot, she a bubble like soap, that a real pepper pot. Check your iPhone for the iMessages, send me outside, park up in a the X6, with the Guinness and Magnum, ready with the mix. So me know tonight your business get fixed, girl. Me love all your wine and bubble, girl, when you go on your toe and tip on it. Body look tight and right, girl, when you print up your thing and grip on it. Treat me like a app when you hot, put me on the desktop, then you double click on it. Me why you bum flick pon it? Do all kind of trick pon it. Wine girl, same way. Wine girl, didn't come up in a game play. Wine girl, same way. Wine girl, do all kind of trick pon it. Wine girl, same way. Wine girl. Me no come here for no game play. Wine girl, same way. Wine girl. Feel gangsta never chase a girl. After a while replace a girl. Cut them off clean like razor girl. Loud a one year such a she a must raise a girl. Been around the corner like drifter. Win gold medal for slapping carifter. Me a put in the tip ya. She a throw it back Thursday Instagram picture. Me love all your wine and bubble girl. When you go on your toe and tip on it. Body look tight and right girl. When you print up your thing and grip on it. Treat me like a app when you hot. Put me on the desktop then you double click on it. Me why you bum flick on it. Do all kind of trick on it. Wine girl. See

Duclair, où il y aura une foire à tous ce week-end. Il est 7h en Normandie, en Picardie. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Le nombre de détenus incarcérés dans les prisons françaises s'est maintenu à plus de 70 000 pour le troisième mois consécutif, avec 70 408 personnes au 1er juin, soit un taux de suroccupation globale moyen de 117,6% selon les chiffres officiels publiés hier. Cette barre symbolique avait été franchie en avril avec 70 367 personnes en détention. Un nouveau record avait été battu au mois de mai avec 70 633 personnes donc incarcérées. Le parquet ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics après le dépôt d'une plainte des élus locaux de droite envers Gérard Collomb. Les gardes à vue des 10 personnes gardées à vue soupçonnées de projeter des actions violentes contre des musulmans en France ont été prolongées pour une durée pouvant aller jusqu'à 48 heures. Comme lors de l'arrivée de l'Aquarius, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, affirme que la Corse est disposée à porter secours au navire Lifeline qui est bloqué dans les eaux internationales en Méditerranée. Simone Veil entrera au Panthéon dimanche le 1er juillet, accompagnée par son mari Antoine Veil. La cérémonie aura lieu en présence d'Emmanuel Macron. Le cortège partira du mémorial de la Shoah. Au Mondial, rendez-vous tout à l'heure à 16h pour France-Danemark. Clairement, cette équipe de France inquiète plus qu'elle ne rassure. Et les deux victoires consécutives pour démarrer la Coupe du Monde face à l'Australie et le Pérou n'ont pas relevé la cote des hommes de Didier Deschamps. Toujours en football, à noter que Uruguay, Portugal et Espagne-Russie. Ce sont donc les deux premières affiches de ces huitièmes de finale. Hier soir, l'Espagne et le Portugal se sont fait peur, signant tous deux un match nul, respectivement contre le Maroc, le score de partout, et face à l'Iran, un but partout. Et puis, les loups sont de plus en plus nombreux en France. Selon les professionnels de la nature, ils sont 430 à la sortie de cet hiver. C'est 20% de plus par rapport à l'année dernière. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. L'info, c'est OK. Tout à l'heure à 7h25, c'est la rediffusion du coup de fil d'hier matin. Et là, c'est David Guetta et Sia. Morning Light sur Espace. Oh,

Pour rien dans le morning, c'est le pile ou face de l'info. Mardi 26 juin 2018, pile ou face de l'info, le Calvados, c'est l'honneur sur le côté pile de la pièce. Et puis côté face, ce sera la Seine-Maritime, allons-y. Et c'est le 14. Le Calvados, c'est Solène qui est Madame Calvados, on t'écoute. Madame Calvados, j'ai l'impression d'être un fromage ou un produit... Bon bref, enchaînons et parlons sport du coup. Je sais que c'est pas habituel. Je ne sais pas si tu es au courant, mais de mercredi à dimanche dernier, le Lawn Tennis Club de Deauville a accueilli Pauline Parmentier, 70e joueuse mondiale et 4e joueuse française, et Calvin Emery, 132e mondiale. Les deux joueurs français se sont ainsi préparés pour Wimbledon, le mythique tournoi anglais sur gazon du Grand Chelem, qui commencera le 2 juillet. Alors pour Calvin Emery, c'est une chance de pouvoir venir s'entraîner à Deauville. Sans ça, les joueurs seraient obligés de s'entraîner sur un terrain en dur. Venir se préparer sur les pelouses de la structure deauvillaise leur confère donc un gros avantage sur d'autres joueurs. Pour Pauline Parmentier, les installations sont vraiment sympas et le cadre de travail offert change radicalement de Paris. La tenniswoman apprécie particulièrement le calme et la côte fleurie. Et bien sûr, les deux joueurs en ont profité de ces soirées en Normandie pour goûter aux cartes de quelques restaurants d'Auvillais. Je conclurai en disant que si je parle de sport dans un pile ou face, il faut bien parler de nourriture un petit peu aussi, n'est-ce pas Cédric? Eh oui, exactement. Ils ont bien raison, les champions se forme en Normandie, vous l'entendez encore une fois aujourd'hui avec Solène. On va plutôt aller prendre le petit déjeuner, nous. Bah oui, voilà, hein, l'entraînement petit-déj, c'est notre truc, ça. On laisse tomber le reste. De l'info, des bons plans et de la bonne humeur, le Morning Light avec Cédric et toute sa team. Tous les matins, 6h-9h, sur Espace. Y'en a qui sortent en équipe avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go enfouraillée au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Je pense que la suite sera censurée. Et on t'en

like it's going down. Now when I lean on you and I got nothing left. Hey, I've been wanna call ya, tell you that I'm sorry. Same old fucking story, everybody singing. I say I'm okay, but I guess I'm a liar. You say you're okay, but I saw that you liked it. 2 a.m. and faded, I know that's when you like it. Know that's when you miss me, know that's when you cry, yeah. Why you taking if you're over it? Still holding it, just a little bit better at faking it than me, baby. Just a little bit better at faking it than me, baby. Why you taking if you're over it? Why you say let go if you still holding it? Just a little bit better at faking it than me, baby. Just a little bit better at faking it than me, baby. Nowadays I'm just a bitch to everybody else. I don't need no shoulders, I'm good crying by myself, yeah. Moving on to chore, cause you know I still adore ya. And unrequited love is just a lover's hell. And I say I'm okay, but I guess I'm a liar. You say you're okay, but I saw that you liked it. 2 a.m. and faded, I know that's when you like it. Know that's when you miss me, know that's when you cry. If you're over it, why you say let go if you still holding it? Just a little bit better at faking it than me, baby. Just a little bit better at faking it than me, baby. Why you taking if you're over it? Why you say let go if you still holding it? Just a little bit better at faking it than me, baby. Just a little bit better at faking it than me, baby. I'm not gon' act like I don't love you, baby, cause deep in my mind, girl, I know I do. Tried to search all through the world and know well, but I can't find a girl who looks close like you. I done made millions of dollars, but I'm still alone until I come home back to you. I remember all of those times we would park by your house and laugh out on your avenue. Oh, you can't front, you're a stone cold diva. Had to get counseling from my mom, she's a heartbreak teacher. Remember that time I put those pepperonis on your face, made you a creature. Now I think about you every single time I eat pizza. Why you say let go if you still holding it? Just a little bit better at faking it than me, baby. Just a little bit better at faking it than me, baby. Why you taking if you're over it? Calvin Harris, Kelani, Faking It en Normandie, en Picardie, Solène. Oui. J'ai la recette pour être heureux au boulot. Alors, l'argent, ça aide, une petite prime de temps en temps. Voilà. Hein. Mais il faut mettre moins de 40 minutes dans son trajet domicile-travail. Eh ben écoute, moi j'en mets 6. Eh ben moi j'en mets 45, dommage. La route. Espace Radio. Alors ce matin, des difficultés importantes se sont déjà constatées sur l'agglomération rouennaise, au niveau de la Sud 3 avec des bouchons à partir du Petit Quevilly. Également des difficultés au niveau de l'accès par le boulevard industriel avec les premiers ralentissements au rond-point des Vaches. Même constat du côté de la route de Paris à hauteur de Saint-Adrien. Dans l'hypercentre, c'est surtout le pont Mathilde et la place Saint-Paul, mais aussi la sortie du tunnel de la Grand-Mare qui bouchonne. Et puis également les boulevards rive droite avec des voies en moins et l'avenue Jean Rondeau fermée à la circulation. Autre difficulté sur le réseau autoroutier, bouchon au niveau de l'échangeur 20 de Cricq-Bœuf-sur-Seine en provenance de Pont-de-Barche, comme tous les matins. Difficulté également sur le réseau secondaire entre Aurival et les Essarts, entre Trigoville et Pont-de-Barche. Et puis toujours à hauteur d'Aquigny en direction d'Audreville-sur-Eure pour cause de travaux. Pour rejoindre Évreux, quelques difficultés au niveau de la décimile 154. Le bonheur, ça tient qu'à un trajet. On en reparle dans une heure. Ouais, bah oui, puis au fil du micro aussi hein, chez nous. Tous passent après-minuit, préviens tes copines. Tous passent après-minuit, préviens tes copines. Préviens tes copines.

so far. Espace, redécouvrez les tubes de la décennie 90. Espace 90s sur Espace. Vous le savez, il y a des artistes en Normandie et en Pays Gardé. Et en plus, parfois, juste à côté de chez nous. Oui, la preuve. Rancard avec le livre de Tony Wart autour de la science-fiction. Je vous l'offre maintenant au 0950 35 50 50. se réveiller en ce mardi matin. Vous aussi, ça tombe bien. 8h à Montfort-sur-Yvel, l'actu, c'est maintenant. L'essentiel de l'actualité. Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Emmanuel Macron rencontre ce mardi pour la première fois le pape François. Une visite purement vaticane qui exclut tout entretien avec le gouvernement populiste italien à couteau tiré avec Paris. Et pour autant, le dossier des migrants, sujet phare du pontificat du pape argentin, est au cœur donc de cette rencontre. Comme lors de l'arrivée de l'Aquarius, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, affirme que la Corse est disposée d'ailleurs à porter secours au navire Lifeline qui est bloqué actuellement dans les eaux internationales en Méditerranée. Les gardes à vue des 10 personnes gardées à vue soupçonnées de projeter des actions violentes contre des musulmans en France ont été prolongées pour une durée pouvant aller jusqu'à 48 heures. Réformer l'organisation et le financement de l'islam en France afin de mieux lutter contre la radicalisation, tel est l'objectif de Gérard Collomb. Hier, dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a ainsi fait savoir qu'une grande concertation se déroulera dans chaque département d'ici au 15 septembre prochain. Des assises de l'islam de France qui doivent associer les acteurs de terrain dans le but d'améliorer la représentation du culte musulman, le financement des mosquées et la formation des imams et autres aumôniers. C'est ce que précise le ministère de l'Intérieur. Autolib va disparaître d'ici au 31 juillet. Le contrat de l'entreprise de Vincent Bolloré avec 103 communes, dont Paris, vient d'être résilié. Un arrêt progressif du service est prévu. La mairie de Paris a déclaré travailler avec deux nouveaux acteurs de l'autopartage pour être prête d'ici à la rentrée. Reste à savoir le devenir des 240 employés du service Autolib. Au Mondial, rendez-vous à 16h pour France-Danemark. Clairement, l'équipe de France inquiète plus qu'elle ne rassure et les deux victoires consécutives pour démarrer la Coupe du Monde face à l'Australie et le Pérou n'ont pas relevé la cote des hommes de Didier Deschamps. Enfin, Uruguay, Portugal et Espagne-Russie, ce sont les deux premières affiches des huitièmes de finale de ce Mondial. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. À 8h25, un coup de fil, à 8h20, une Johanna, et à 8h08, une pensée positive. Morning Light sur Espace. Take a turn, I'll find your groove. It's alright, we can do this all night. Yeah, I just know your sex body. It's alright, we can be here all night. I'm waiting in the sex, love, and water. Things you wanna make up all night. Are we feeling any sex, love, or water? It's to the things you wanna make up all night. Take

le président de la République a annoncé un projet de consultation afin de permettre à chaque citoyen d'évoquer sa vision de l'Europe. Le 17 avril, Emmanuel Macron a officiellement lancé cette initiative qui se déroule jusqu'en octobre prochain dans 26 pays membres de l'Union. Thierry Coudert, préfet de l'Eure, accueille ce mardi à 17h30 à la préfecture Patrick Dupras, secrétaire général adjoint des consultations citoyennes sur l'Europe, pour une présentation de ces consultations. Les élus eurois seront invités à organiser des événements pour recueillir avis et propositions, ainsi que tout citoyen ou organisme. Une info originale, c'est Johanna. C'est mardi, c'est le 26 juin et c'est surtout Johanna. Salut pour l'actu originale. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Aujourd'hui Cédric, nous partons, nous nous envoyons en l'air. Je sais que c'est dit très bizarrement, mais c'est un peu le cas, ou plutôt nous allons redescendre de nos nuages. Puisque le vol Dublin-Ibiza du 17 juin, bien sûr, 2018, a été dérouté. Je sais que ce que je suis en train de dire peut passer pour un mauvais jeu de mots, mais c'est bien et bien le cas. Il a été dérouté à Beauvais, ce samedi, bien sûr, après qu'un accident a éclaté à bord de l'appareil. Cet accident, c'est très simple. 20 personnes ivres, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 20 personnes ivres à bord qui ont forcé, en fait, pas le conducteur, mais qui ont forcé le pilote de descendre parce que ce n'était plus gérable en l'air. Et suite à ce petit incident, alors Robin Kelly, qui est le chargé de la communication du groupe Ryanair, réclame désormais une interdiction de vendre de l'alcool dans les aéroports avant 10h, ce que je trouve qui est une très bonne idée, ainsi qu'une limite de 2 verres par passager. Nous le rappelons, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Joe, en effet, pas d'alcool, on compte sur vous. Belle journée Majo, et à demain, soyez présents. By the way.

J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir partir. Dans ma détresse, je ne peux plus agir. Où veux-tu que je regarde, noir est mon désir. Besoin de fuir pour me mieux reconstruire. Et je m'en vais, que le mardi est déjà terminé. Ok. Bon bah alors on se verra demain. Soyez présents de 6h à 9h dans le morning et tout à l'heure aussi entre 11h et 14h sur l'espace Normandie Ouest. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. Vous continuerez à gagner demain à 7h55 votre bouquin de Tony Wart, le Normand qui fait des livres. Ciao. Sur l'espace. Surfez sur les années 90. Espace 90s. Listen good and give the best advice that I can give. So, what's up with you this time? Your honey took a dive and now he's playing with your mind. Oh no.

sur la plus normande des radios, Capucine. Et après les infos, le retour des tubes avec Martin Garrix et Mathis sur Espace. Espace, espace, plus de son, plus de tubes. Oh,